c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Cet été, ensemble, nous sommes allés à ski au pôle sud, à dos de dromadaire dans le désert, en sous-marin au plus profond des océans, en pirogue en forêt amazonienne, au sommet de l'Everest avec bouteille à oxygène et même jusque sur Pluton à dos de sonde spatiale. Alors pour notre dernière, nous allons prendre le temps, entamer un ultime tour du monde, mais à pied. Cette idée, c'est Olivier Blaise, écrivain et grand voyageur, qui nous l'a donné dans son ouvrage L'Art de la Marche aux éditions Albin Michel. Il raconte ce tour du monde qu'il a entrepris en marchant depuis 2010 au rythme d'un mois par an. Nous allons voir jusqu'où ses pas l'ont mené jusqu'à présent. Et pour tout dire, il n'est pas certain qu'il bouclera son tour du monde un jour, puisque son dernier livre, intitulé « Les aventures de poche » aux éditions Hugo et compagnie, fait l'éloge de l'aventure que l'on peut vivre à deux pas de chez soi. Cet après-midi, le temps d'un bivouac décélère et met ses pas dans ceux d'Olivier Blaise pour prendre le temps d'une dernière belle aventure. Et en fin d'émission, Mathieu Aoued et Sophie Vaux, les deux attachés de production qui depuis plusieurs années m'aident à préparer cette émission, viendront conclure cette septième saison. Voilà pour le programme de notre ultime bivouac en direct avant la dernière rediffusion de demain. On oublie notre corps. Dans la vie que nous menons, le corps devient presque une abstraction. Et d'ailleurs, aussitôt qu'il se manifeste, on fonce vite chez le docteur pour arranger les choses, parce que c'est pas normal qu'il se manifeste. Or, dans la marche, effectivement, il est extraordinairement présent. Mais il est présent en mal, quand il fait mal, mais il est aussi présent en bien, parce que... À partir du moment où vous avez marché une heure et demie, quand vous commencez à avoir les muscles qui sont bien chauds, il y a un moment de bonheur absolu. Je veux dire, il y a un moment où votre corps fabrique des endorphines et vous planez. Nous allons planer pendant cette dernière heure. La voix de Bernard Olivier que nous avions reçu il y a quelques années dans le temps d'un bivouac. Son passage m'avait marqué. Là, nous l'entendions, il était dans l'émission Des paysages de Philippe Bertrand sur France Inter en 2001. Alors, c'est un homme qui s'est mis à la marche sur le tard, Bernard Olivier. Son histoire a provoqué un déclic chez vous, Olivier Blaise. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de Bernard Olivier? Alors c'est très simple, un jour à Levallois-Perret, nous donnions une conférence ensemble sur le voyage. Il avait beaucoup plus de choses à raconter que moi, mais je vivais un petit peu, j'avais à peu près 39-40 ans à l'époque, je vivais dans le regret de ne pas avoir vécu une grande aventure. Je me suis dit, bon bah voilà, maintenant j'ai des enfants, j'ai une vie installée, je publie mes livres tous les ans, je suis pas parti, tant pis pour moi. Et puis j'avais sous les yeux, à côté de moi, sur la chaise d'à côté, l'exemple d'un homme qui, lui, est parti à l'âge de 60 ans, a marché d'Istanbul à Pékin dans des conditions souvent aventureuses, seul. Et je me suis dit, bah finalement, c'est possible. Alors en plus, l'histoire de Bernard Olivier, elle est très touchante parce que il était en dépression suite au décès de sa femme. Et c'est la marche qui l'a remis en marche au sens figuré du terme. C'est-à-dire qu'il a retrouvé goût à la vie en marchant. Il parlait de ses endorphines qui le font planer. Et une fois que la marche a fait ce bienfait pour lui, ensuite, il a créé l'association Seuil qui cherche à aider, à remettre dans le droit chemin des jeunes qui sont tombés dans la délinquance. Justement, en les mettant sur les routes, en les faisant marcher de longues distances pour qu'ils ils changent et qu'ils quittent la délinquance. Et ça marche, hein, avec des jolis succès à son actif. Et alors vous n'étiez pas dans la délinquance, mais d'entendre Bernard Olivier, ça vous a donné envie, à vous, à 40 ans, vous êtes dit, si cet homme de 60 ans a pu se mettre à la marche à 60 ans, je vais pouvoir le faire, moi, à mes 40. Oui, ce que vous dites est vrai. Souvent, on se met en chemin, on se met en marche lorsqu'on traverse une épreuve, lorsqu'on a connu une situation difficile. Bon, moi, tout allait bien, mais j'avais 40 ans. C'est peut-être la crise de la quarantaine, finalement. Ouais. Et j'ai dit, j'ai envie d'une aventure qui me dépasse, une aventure que je sois pas sûr de boucler, une aventure peut-être que je lèguerai à mes enfants ou à d'autres personnes. Vous savez, il y a cette idée qui m'est très chère des bâtisseurs de cathédrales. Une cathédrale, ça se faisait pas en un jour, ça se faisait même pas en une vie. On léguait le projet à ses enfants, voire à ses petits-enfants. Donc voilà, le grand-père posait la première pierre et le petit-fils voyait consacrer la cathédrale. Et j'aimais bien l'idée d'un projet que que je puisse conduire ma vie durant et au-delà. Et c'est ce qui est... a donné le projet d'un tour du monde à pied, mais par étapes. Ouais, alors ça, il faut que vous nous décriviez cette idée qui est assez simple, mais bon, voilà, il y a une règle du jeu assez précise, c'est-à-dire vous marchez combien de temps par an, comment s'organise ce tour du monde à pied par étapes? Alors c'était très simple, on est parti de France, du sud-ouest, un petit village, Pamplonne, et on marche un mois par an. On reprend l'année suivante à l'endroit précis où on s'est arrêté. La règle, comme vous dites, la règle du jeu est assez ferme. On s'arrête devant une cabine téléphonique, on reprend devant la même cabine téléphonique. Mmh. Et de cette façon-là, en poursuivant l'effort sur des années, sur 10 ans maintenant, et sur 10 étapes aussi, on a pu traverser la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, l'Ukraine. Et là, on vient d'entrer en Russie. On a atteint la place rouge à Moscou, voici un mois et demi. Ouais, c'était donc en juin dernier, le dernier étape de ce tour du monde par étapes. Vous allez donc toujours vers l'est, à cette latitude relativement tempérée dans l'hémisphère nord. Hein, vous suivez un peu ce voilà, ce tracé. J'aime bien me fixer une règle du jeu. Et là, en l'occurrence, c'est un tour du monde à pied aux latitudes tempérées de l'hémisphère nord, entre le 43e et le 50e à peu près, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent des grandes marches, voire des tours du monde. Il y a même un Québécois, Jean Béliveau, qui a marché de 11 ans, mais lui de façon continue, et qui l'a bouclé, ce qui lui a permis quand même de marcher 75 000 kilomètres et d'aller fouiller jusqu'au recoin de la Nouvelle-Zélande. Bon, moi, c'est plus modeste, relativement plus modeste. Je marche dans cette bande étroite de l'hémisphère nord, mais malgré tout, ça fait 10 kilomètres à couvrir. Eh bien oui, quand même. Alors, avant de commencer ce projet, vous étiez un grand marcheur ? Alors, je suis né à Lyon et j'ai grandi dans un milieu où la marche ou la randonnée faisait partie des passe-temps estivaux. Voilà, chaque fois qu'on partait le week-end, c'était généralement en montagne pour marcher. Mon père était chasseur alpin, ce qui facilitait aussi. Donc, j'étais acculturé à la marche très tôt. Ouais. Mais j'étais un marcheur du dimanche, du week-end, et j'avais absolument pas l'idée d'en faire, de vivre une grande aventure axée sur la marche. Mais c'est plus tard. Vous aviez, et vous en parlez avec de très belles lignes dans le début de votre ouvrage paru chez Albin Michel, L'Art de la Marche, vous aviez, depuis très jeune, une passion pour les cartes. Vous éprouvez presque un vertige devant ces cartes en vous disant, mais pendant des générations et des générations, les humains qui vivaient sur Terre n'avaient pas accès à ces représentations géographiques du monde sur lequel on évolue. Ah oui, moi je suis absolument sidéré de voir à quel point les représentations de notre monde sous forme de cartes, de map-monde, de planisphères, qui étaient si précieuses à la Renaissance. À la Renaissance, les rois payaient des sommes folles pour avoir des cartes un peu plus précises que celles du voisin. Eh bien aujourd'hui, c'est devenu commun. On en a sur les cartons de pizza, on en achète pour 2 francs 6 sous dans n'importe quel magasin. Donc cette banalité de la représentation du monde me fascine. Et puis j'aime physiquement les cartes. J'en ai toute une collection chez moi. J'ai même des cartes totalement fantaisistes, parce que certains dessinateurs, certains géographes se plaisent à rêver sur les cartes, à les transformer, à y réintroduire les monstres qu'on a effacés au fil des explorations scientifiques. Donc tout ça, effectivement, fait partie du plaisir de marcher. Ouais. Alors vous décidez donc de quitter les cartes pour le territoire, vous entamez ce tour du monde. Là encore, dans votre livre, vous racontez le départ. Alors vraiment, vous êtes très humble, avec beaucoup d'humour. Hein. Votre départ, c'est sans fanfare. Vous ne cherchez pas à jouer au héros, vous dites que votre sac n'est pas prêt jusqu'à 5h du mat, vous êtes au ralenti, vous envisagez jusqu'au dernier moment d'abandonner en disant finalement je me suis engagé auprès de personne, personne ne m'oblige à faire ça, dans quoi je m'embarque. On a vraiment l'impression que vous n'emmenez pas large avant de partir. Je vais vous faire une confidence. Je voulais un projet grandiose et même grandiloquent à l'origine. Donc, je pensais partir, je sais pas, du centre géographique de l'Europe. Mais le problème, c'est que l'Europe s'est agrandie. Donc, le centre n'a pas cessé de bouger. Je voulais partir de l'esplanade des Nations Unies à Genève, de quelque chose comme ça, avec une haie d'honneur et des trompettes. Et je voulais partir aussi en équipe, nombreuse, qu'on soit 10, 20, 30. C'était peut-être d'avoir vu Forrest Gump quand j'étais enfant. Et tout ça m'habitait, je voulais un projet un peu démesuré. Et puis finalement, rien n'a marché comme prévu. Oui, c'est il y a eu beaucoup ça. De sympathisants, des gens qui ont dit « Oui, on t'accompagne, super, quel paire de lacets tu conseilles ?» Et puis au moment où il fallait vraiment prendre le billet d'avion, s'arranger pour la garde des enfants, etc., comme ça arrive souvent, il n'y avait plus personne. Donc j'ai fait la première étape seule. Et effectivement, les premiers pas ont été marqués par le doute. Et alors, vous êtes parti d'où? Puisque finalement, vous n'avez pas choisi effectivement quelque chose. Alors, je suis parti d'un petit village auquel je rends honneur, qui s'appelle Pamplonne. J'ai longtemps pensé que rien... C'est un petit village qui se trouve au nord d'Albi. Ouais. Voilà. C'est un peu un hasard. On vous invite pour venir parler dans une bibliothèque locale. C'est complètement par hasard. J'étais dans mes grandes idées de partir au plein milieu, sous le soleil exactement. Et finalement, je reçois un appel... comme souvent les écrivains. Venez au Salon du Livre de Pamplonne, on est un petit village, mais vous verrez, l'ambiance est sympa, on mange bien. Et je me suis dit, ben voilà, mais c'est là, j'ai trouvé mon point de départ. Et effectivement, ils ont fait les choses merveilleusement. Il y avait un petit discours du conseiller général, un buffet et surtout le club de randonnée locale qui m'a accompagné sur les 12 premiers kilomètres. Oui, alors là aussi, ça, c'est pas, on est loin des fanfares et trompettes, parce que vous dites, je pars, j'ai pas eu le temps de mettre ma bonne tenue, je suis pas vraiment habillé comme il faudrait, et puis mes chaussures sont pas vraiment lacées comme il faudrait, mais en même temps, vu que je suis accompagné, je veux pas passer pour un rigolo, donc je vais pas montrer que j'ai mal lacé mes chaussures, donc je marche avec ces chaussures qui sont trop lâches. Enfin, on a vraiment l'impression, on se dit, mais est-ce que vraiment ce tour du monde, ça va pas faire long feu? Oui, mais c'est souvent le cas, en fait. Quand je trouve que les récits d'aventures et de voyages les plus intéressants, c'est ceux qui sont humbles et qui ramènent la figure de l'aventurier à ses véritables proportions. C'est des gens qui ont froid, qui ont faim, qui doutent énormément, qui ont bouclé à peine leur budget. Enfin, vous le savez mieux que moi, vous en recevez tous les jours. Voilà, donc j'étais dans ces conditions-là. Je savais pas du tout où j'allais. Je me posais la question. J'étais parti, je m'étais fait un peu beau pour le discours du conseiller général, mais seulement, juste après, on est parti marcher. Il aurait fallu que je me change. Oui. J'ai pas pu. Alors vous allez ensuite emprunter un bout de chemin de Compostelle pendant 11 jours, dans le sens inverse des pèlerins. Voilà qui devrait raviver quelques souvenirs. Un jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Il va y avoir un balisage du chemin de Compostelle. D'abord, on va tous dans le même sens. En rando, on monte, on descend, on dit bonjour, hein, et c'est pas la même solidarité. Moi, je suis venue toute seule et c'est vrai que je me sens entourée. Si j'ai un problème, on me demande, on vient à mon aide, je trouve deux personnes, je marche un jour avec deux, un autre jour avec deux autres. Moi, j'ai envie de remercier un peu la Providence de tout ce qu'elle m'a donné dans la vie, parce que je pense que j'ai eu une vie agréable et j'espère que ça continuera. C'est un bonheur, c'est magnifique tout. Enfin, je veux dire, la nature, tout ce qui nous est donné, qu'on ne prend pas le temps dans le quotidien de regarder, tout simplement. C'est une joie. Alors vous, Olivier Blaise, vous n'étiez pas dans le même sens que tout le monde, hein, vous remontiez le courant de ces marcheurs, de ces pèlerins de Compostelle, mais vous avez un peu senti cette ambiance particulière que l'on attribue à ce chemin. Ah oui, c'est un chemin béni, vraiment, sous bien des aspects. Effectivement, j'allais à l'envers, donc je passais mon temps à rencontrer des gens qui me disaient « Non, c'est dans l'autre sens, retournez-vous ». Mais je le faisais exprès, et même dans ces conditions-là, en dormant dans quelques gîtes d'étape, en partageant la table de quelques pèlerins, ils sont quand même 200 000 à prendre le départ sur cette voie-là, on vit des moments extraordinaires. Il y a une lumière sur ce chemin qui n'existe pas sur les autres. Oui. Alors vous avez commencé seul, mais finalement la plupart du parcours, vous n'étiez pas seul pour le faire. Non, parce que comme je vous l'ai dit, mon souhait n'était pas de rester seul. Alors effectivement, tantôt des amis, là la dernière étape m'accompagne. Des gens parfois que j'ai rencontrés sur Internet. Il y a un jeune homme qui m'a accompagné pendant 3 étapes et on s'est rencontrés sur un forum consacré à la marche à pied. Mmh. Et je lui ai dit, écoute, c'est un peu compliqué de te faire venir dans l'équipe, je pars après-demain. Il me dit, où tu es après-demain? Je dis, je serai sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean à Lyon à 8h20, je pourrais t'attendre que 20 minutes parce que j'ai une grosse étape. Il dit, je serai là. Mmh. Il était là, on a pris un café, on s'est suffisamment bien entendu pour faire la route ensemble. Ouais. Donc maintenant, c'est une sorte de caravane quand vous partez faire votre tour. Vous allez recevoir plein de demandes, peut-être que ça va dépasser vos souhaits. J'aimerais bien, il y a la place dans le monde, hein. On peut marcher à plusieurs. Ouais. Effectivement, c'est une caravane, c'est-à-dire des gens viennent, d'autres repartent, certains viennent seulement pour 10 jours. Vous savez, pour la petite histoire, il y a la directrice des éditions de Radio France qui m'a entendu dans une conférence, elle a trouvé ça chouette. À la fin de la conférence, elle me dit, est-ce que je peux venir marcher avec vous? Elle est venue 10 jours en Ukraine. Donc c'est des choses qui arrivent et c'est vraiment un format très libre. Nous allons voir comment s'est passé votre périple, étape par étape. Le temps d'un bivouac à pied autour du monde avec l'écrivain Olivier Blaise sur France Inter. Faut que ça cesse, que tu remballes tes caresses, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi j'emmène pas large. Chez toi sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, de clair obscur caravage. Dans mes yeux c'est l'automatique arrosage. J'ai du billet filigrane avec la face de Reagan. Et si tu veux je te dépanne. Moi je connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi con que t'as pas d'âme, mais moi je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi je donne le tout pour le tout. Mais si tu veux, on parle de nous. Ouais, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. À te mentir, prétendre que je m'en fous. À te mentir, prétendre que je m'en fous. Que si tu crèves. Vampire Weekend qui chantait This Life sur France Inter. Alors, le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, non, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. Hein? On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple. Comme ceci. 1, 2, 3. Inspiration. Petit pas de pause. 1, 2, 3. Expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben, vous n'avez qu'à allonger le pas. C'est un extrait du film Les Randonneurs avec Benoît Poulvorde. Et là, je ne me trompe pas. En revanche, pour le disque précédent, c'était Marie-Flore de QCC. Olivier Blaise, vous avez, vous aussi, développé une théorie de la marche, comme Benoît Poulvorde, qui... Ben peut-être un peu plus évolué, peut-être. Non, non, pas vraiment. Au contraire, par exemple, lorsque je fais mon sac, je mets tout ce qui me fait plaisir. Donc, j'ai un pyjama. Parce que je ne mets jamais les randonneurs, parce que j'ai un pyjama, et même lorsque on a fait des étapes vraiment exigeantes, on est allé en Russie jusqu'à 58 km jour, avec un sac de 18 kilos, c'était vraiment... Mais je ne fais pas du tout le tri, j'essaye pas de marcher léger, j'essaye pas de m'économiser, je compte sur mes forces. Mmh. En fait, j'ai l'impression que j'ai une endurance... j'ai envie de connaître mes limites, mais je les rencontre pas vraiment. Ah, c'est oui. Ce que je dis à mes filles. Je dis, tu sais, ton papa, il est en granit. Alors, bien sûr, un jour, je vais me prendre une tuile sur la tête, mais jusqu'à ce jour-là, c'est une croyance que j'ai, et donc, je m'économise pas et je mets dans mon sac tout ce que je veux. Vous pensez à quoi quand vous marchez? Je pense à pas grand-chose, et c'est assez miraculeux, parce que lorsque j'ai commencé à faire ces grandes étapes-là, je me suis dit, mais Olivier, tu vas marcher 8 à 10 heures par jour. Mais vous faites des étapes de combien de kilomètres en moyenne? Voilà, bon, des étapes qui s'échelonnent entre 30 et 40 kilomètres, mais on marche l'été, donc les journées sont longues. Hein, c'est souvent un effort qui est assez long, qui est assez continu. On fait pas vraiment de pause en dehors du déjeuner. Et pendant 8 à 10 heures, vous ne pensez à rien, alors? Non, je pense à rien, et c'est très agréable, en fait. Ça change du reste de ma vie. Je pensais beaucoup m'ennuyer. Je pensais que j'allais ruminer des idées noires ou j'allais devoir trouver des activités mentales pour passer le temps. Et en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Je pense à rien et c'est mon corps qui prend la direction des opérations d'une certaine façon. Vous dites quand même que création et voyage sont intimement mêlés. Vous créez déjà depuis tout petit. Hein, je crois que dès 13 ans, vous aviez un petit carnet, vous faisiez des croquis et aujourd'hui, vous êtes romancier. vos romans témoignent de votre goût du voyage. Donc, est-ce que pendant ces longues périodes de marche, vous éprouvez le paysage, il n'y a pas en germe justement toutes ces créations qui viendront par la suite ? En germe seulement, parce que j'ai essayé de d'écrire en marchant. Je me suis dit, ben voilà, tu auras 10 heures par jour où tu vas pouvoir te consacrer sans penser à rien d'autre, à tes romans. Et en réalité, ça fonctionne pas du tout, parce que justement, le corps prend toute la place. Mmh. Donc, la seule chose que je peux écrire en marchant, ce sont des poésies que je ne publie pas d'ailleurs, mais ça correspond mieux au rythme des pas, au rythme du souffle même. Mmh. Et en revanche, lorsque je rentre, oui, ça me donne l'inspiration de récits de marche, de récits de voyage, et même de romans où la marche commence à prendre une certaine place. Oui. Et vous comparez aussi cette marche au rythme de la narration. Quel parallèle vous faites entre la narration et la marche en elle-même ? Alors, il m'arrive de donner des conférences sur l'art de raconter des histoires. Ça peut être assez technique, la dramaturgie. Et dans la dramaturgie, on dit par exemple qu'un personnage doit avoir des objectifs, rencontrer des obstacles... sur la voie de ses objectifs, mais aussi de recevoir des soutiens. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on marche. Moi, une journée de marche, pour moi, c'est une grande histoire qui est racontée. Mmh. Les objectifs, ils peuvent être tout simples. C'est par exemple atteindre l'arbre que je vois sur le col, atteindre le refuge avant la nuit. Ce sont des choses toutes simples, mais qui nous portent. Et bien sûr, les obstacles, c'est la pluie qui survient, c'est la chaleur qui nous éprouve. Mais les aides aussi, c'est la fontaine qu'on n'attendait pas. Et je voudrais rendre grâce, par exemple, à ces petites fontaines bleues qu'on trouve partout dans tous les villages en Hongrie. La Hongrie, on en dit parfois beaucoup de mal, mais elle a de grâce. C'est les fontaines bleues qu'on trouve dans tous les villages et qui nous aident bien, nous les marcheurs. Et sont aussi les pruniers qui sont plantés dans les rues et qui permettent à la bonne saison de manger à l'œil. Vous avez comme ça traversé des paysages superbes. Vous êtes passé en Italie sur les rives du Pô, ce fleuve. Je crois que vous a laissé un joli souvenir. Oui, parce que on a eu du mal à le rencontrer. On était toujours un petit peu loin. La route nous en éloignait. Et puis un soir, il était 19h. Alors ça se passe comme ça. On prévoit pas du tout d'itinéraire. Je l'ai fait pendant la première étape. J'appelais les hôtels, j'appelais les gîtes d'étape, les campings. Et puis dès la deuxième, j'ai dit non, c'est pas comme ça que je veux marcher. Comme vous le disiez, plein est vers le soleil levant et on prévoit rien. Mmh. Et un jour, on s'est retrouvé dans la campagne italienne. Et il était 19h, l'heure de chercher un endroit où planter la tente. On n'en trouvait pas. Une forêt sur notre droite, on savait que le fleuve était à peu près à 3 kilomètres et on s'engage dans la forêt, des moustiques, on était piqués de partout par les épines. On dit mais on va rebrousser chemin, c'est pas possible. Et brusquement, le paysage s'ouvre, effectivement, et ce fleuve majestueux, le Pô, avec ses courbes câlines dans la lumière du couchant, s'offre à notre regard. Et là, c'était magique. Un terre-plein s'est dégagé où on a pu planter nos tentes. Des jeunes du coin avaient aménagé une sorte de plongeoir, avaient taillé des marches dans la terre pour atteindre l'eau. Donc on a pu se baigner en plus. C'était vraiment un endroit et un moment délicieux. Il y a comme ça plusieurs moments délicieux dont vous parlez. La forêt slovène apparemment est un bon souvenir avec ces ours qui apparemment volent des tours. Bon, continuez, vous verrez que 200-300 mètres et puis on est au sommet de cette montagne, un canyon de la rivière qui fait la frontière entre Slovénie et Croatie. Et on va voir la vision de toute cette chaîne de bois qui s'étend aussi en Croatie et tout ça. Oui, maintenant on approche au sommet. Il va falloir faire précaution. Il pleut et on est complètement dans le brouillard. On pourrait presque se faire emporter par le vent et on pourrait vraiment distinguer une ombre d'ours que ça ne nous étonnerait pas. Aujourd'hui c'est un peu morbide, hein. Parce qu'il y a les arbres nus, mais les ours nous voient comme ça à la longue distance, il ne va pas approcher comme ça. Oui, parce qu'il y a un truc, il paraît qu'il faut leur signaler qu'on est là, en parlant, en rigolant. Comme ça, ils savent qu'on est là, ils s'éloignent, c'est vrai ? Oui, ils s'éloignent, oui, oui. Mais si on est silencieux, et si on est protégé par les arbres, les arbustes, et si le vent souffle dans une bonne direction, il ne le sent pas, alors on a plus de chances de le voir. Tandis qu'ici, il nous voit, hein, de loin. Ça a dû vous rappeler quelques souvenirs. Nous étions avec Sandrine Mercier dans son émission Au détour du monde en 2004 sur France Inter. Cette forêt slovène, vous l'avez vous aussi particulièrement appréciée ? Oui, mais comme on marche au hasard sans faire d'itinéraire, on est tombé dessus vraiment, quoi. On a franchi la frontière. Sur ma carte, il n'y avait pas le relief et on s'est retrouvé au pied d'une sorte de plateau difficile d'accès. On a gravi donc des collines rocheuses. Et là, pendant 3 jours, alors qu'on n'avait pas de... de ravitaillement et même très peu d'eau, on s'est retrouvé à marcher tout seul sur une piste qui n'en croisait aucune autre, dans un paysage de collines couvertes de forêts. Heureusement, la deuxième nuit, on est tombé sur un camp scout abandonné qui nous a offert un peu d'abri. Mmh. Et partout, on voyait des panneaux « Attention, dans cette direction des ours, méfiez-vous des ours, suspendez votre nourriture en hauteur, etc. » C'est ça, en ne choisissant pas son trajet, parfois on tombe dans des endroits improbables ou en tout cas imprévus. Et notamment, moi, vous êtes tombé sur une base militaire secrète, je crois que c'était à la frontière russe. Ah oui, alors ça, c'est plus angoissant que les ours. Hein. Ah oui. On entre dans un parc national. Les ours, vous les avez pas vraiment vus, en plus. Vous avez vu les panneaux, mais vous les avez pas vraiment croisés. Non, les ours, non. Les militaires, en revanche, oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça. On était à la frontière entre l'Ukraine et la Russie et on s'engage dans un parc national. On s'est dit, on va faire une jolie balade à la rencontre des lynx, puisque ce parc est renommé pour abriter des lynx. Et puis, brusquement, un terrain s'ouvre devant nous. On voit des chars, on voit des engins de transport de troupes. Partout, ça tire, des détonations plus ou moins lointaines. Et bien sûr, un véhicule vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, on explique ce qu'on fait, et ça passe plutôt bien. On rejoint un village, le village a été réquisitionné, c'est devenu une véritable base militaire. Mmh. Des militaires nous offrent de la vodka, et 4 litres plus tard, vers minuit et demi, on leur a rappelé leur promesse de nous offrir un couchage pour la nuit, parce que c'est ça qui nous faisait rester. Ils nous ont dit, oh bah, vous savez, il y a un camp de 500 tentes, de 25 soldats juste à côté, on va bien vous trouver 2 lits. Donc à minuit et demi, on leur dit, bon bah on y va à ce camp. Ok, ils nous conduisent et eux se perdent dans la forêt parce qu'ils avaient, il faut le dire, bien bu. Ils se perdent dans la forêt et ils disparaissent. Et on se retrouve tout seul comme ça au milieu de nulle part. On entend des bruits du camp. Et là, mon ami qui m'accompagnait me dit, écoute, il faut qu'on parte d'ici, je le sens pas. Mmh. Et on arrive à s'échapper du camp en pleine nuit avec notre GPS, la luminosité baissée au minimum. C'était une véritable aventure. Oui, là, c'est à chaque fois une aventure, mais en tout cas, il y a de l'imprévu. Certains endroits que vous traversez ne sont pas du tout touristiques. En Ukraine, par exemple, c'est pas des paysages touristiques, c'est pas aménagé pour le tourisme, il y a pas d'hôtel par là où vous êtes passé en tout cas. Non, mais vous savez, le tourisme organisé, les sentiers balisés, ça s'arrête assez vite. Hein. Dès qu'on sort de Suisse, en direction donc Slovénie, Hongrie, il y a plus grand chose, ou alors c'est des sentiers qui nous amènent trop loin. Donc notre tente nous a bien servi. La plupart du temps, on la déployait au bord de la route, dans les forêts, près d'un lac, dans une zone de pêche, en franchissant des barrières. On a vraiment tout fait. Ouais. Je pense qu'on a dormi à peu près n'importe où. Lorsque vous voyagez, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Ce sont ces paysages, ce sont des sensations, ce sont des rencontres. Qu'est-ce qui vous fait prendre la route? Alors, à la différence de bien des voyageurs qui généralement répondent, c'est pour rencontrer des gens. Ouais. Moi, c'est pas votre cas. Ouais. C'est pas le cas. Enfin, je suis assez sociable, mais malgré tout, c'est pas ce qui me porte quand je voyage. J'y vais vraiment pour les paysages, pour le plaisir physique d'étendre mon pas dans un territoire que je ne connais pas, pour prendre cette mesure de l'espace. C'est ce que Michel Lebris, un célèbre écrivain, qualifiait du grand dehors. Voilà, c'est pour respirer ce grand dehors. Donc, effectivement, c'est la nature, c'est l'espace, et c'est aussi ces kilomètres sans fin qu'on peut déployer devant soi. Ouais. Et ces kilomètres sans fin, finalement, pas uniquement quand vous allez toujours vers l'Est, puisque ce voyage est morcelé, un mois tous les ans, ça vous laisse le temps de faire d'autres choses, et notamment, vous vous lancez dans des tours, alors plus faciles à boucler en une seule fois, le tour des villes. C'est aussi une chose que vous faites régulièrement maintenant, le tour des villes. Au départ, je crois que c'était pour vous entraîner, pour garder la forme pour ce tour du monde, mais c'est devenu une activité en soi qui vous plaît, faire le tour des villes à pied. Oui, effectivement, c'était pour garder la forme. C'était aussi parce que les jambes me démangent. Je continue de marcher à peu près 10 km tous les jours où que je sois. Ah oui. Et maintenant, c'est une sorte de drogue saine, mais que je prends quotidiennement. Voilà. Et effectivement, les tours de ville, j'en ai fait une quarantaine aujourd'hui. Ville petite, moyenne, grande. Paris a été la première. C'est 36 km, c'est facile, c'est les maréchaux, tout le monde peut le tenter. C'est une véritable petite aventure, puisque même si c'est des rues où vous passez quotidiennement, les faire dans cet état d'esprit, c'est une découverte. On va voir que vous appréciez de plus en plus ces aventures que l'on peut faire proche de chez soi. Vous les appelez des aventures de poche. Vous allez nous en donner des exemples dans un instant. California, baby, I twisted living, I was stronger. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in the forest. Cheating on me, I've been cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh Christ, am I good for nothing? This life. Cette fois, c'est bien ça, Vampire Weekend qui chantait This Life sur France Inter. Marcher, ce n'est pas une invention, on ne fait que ça depuis le néolithique. Et en définitive, on s'aperçoit à quel point c'est simple. Ce sont ces choses simples qu'on oublie, et je ne sais pas si je suis passéiste, en tout cas, disons qu'au moins, en ce qui concerne le présent, j'éprouve chaque fois un plaisir fantastique à marcher quand j'entends simplement au loin le bruit des voitures. C'est ça qui est le plus réconfortant et qui vous donne le sentiment, pas d'appartenir comme ça à une classe spéciale, mais simplement, effectivement, d'être quand même privilégié parce qu'on peut le faire, et parce que marcher, ça veut dire prendre son temps. Et le temps, on sait bien que c'est très précieux, et que c'est cela, effectivement, qu'il faut posséder d'abord pour marcher, c'est-à-dire avoir du temps. Et le temps, entre autres, précisément de ne pas marcher, c'est-à-dire de s'arrêter quand on a envie. Jacques Lacarrière, en 1973, dans Interactualité, vous vous sentez une certaine filiation? On a l'impression que ce qu'il dit pourrait être dit aujourd'hui, Olivier Blaise. Ah oui, je suis même jaloux, j'aurais voulu trouver les mots qu'il emploie pour le dire. Effectivement, pour moi, marcher, c'est un bonheur, c'est un bonheur quotidien, c'est un bonheur facile, et c'est surtout notre condition naturelle. En fait, j'aime pas qu'on le présente comme un sport, comme une activité, vous marchez ou vous marchez pas. Tout le monde marche s'il peut et surtout tout le monde est encouragé à marcher davantage. Mmh. Ça résout tous les problèmes. Mmh. Alors dans la suite de cette interview, il disait aussi que il aimait bien prendre des petits chemins que plus personne n'empruntait parce que voilà l'usage faisait qu'on les avait oubliés et il y avait dans ce témoignage une idée aussi qui vous est chère, cette idée que on peut vivre une aventure près de chez soi pour peu qu'on s'en donne la peine, pour peu qu'on prenne le temps de regarder ce qu'il y a à faire. Ça commence par aller chercher sa baguette à 5 km plutôt que juste à côté. C'est ce que je fais maintenant quotidiennement. J'ai repéré des boulangeries qui sont distantes, lointaines, dans toutes les directions. Et je vais chercher mon pain là-bas, plutôt que tout près. Et ça change la perspective. Il y a cette citation de Proust, vous allez m'aider à la retrouver, on en a parlé. Le voyage de découverte ne consiste pas à voir de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est vraiment ça. Des rues qu'on emprunte au quotidien, si on les emprunte dans une perspective différentes, pour boucler un tour de ville, pour couvrir une distance, ou comme ces deux jeunes aventuriers que j'avais rencontrés, pour épuiser toutes les rues du centre-ville, ça fait vite des dizaines de kilomètres, eh bien, quelque chose se passe, on vit une véritable aventure. Ouais, c'est ce que vous appelez les aventures de poche, hein. Vous y avez consacré un livre entier aux éditions Hugo et compagnie. Alors, donnez-nous quelques-unes de ces aventures de poche qui vous ont plu, ça donnera peut-être des idées à nos auditeurs. C'est vrai que parfois, dans cette émission, on a parlé d'aventures très lointaines, difficiles à reproduire, mais là, voilà, près de chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, je m'adresse aux gens qui, comme moi, habitent Bordeaux. Il y a une piste cyclable qui court sur 50 km. Et bien, un jour, avec un ami médecin, on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de cette piste cyclable sans s'arrêter, et puis on va revenir dans l'autre direction et on rentrera chez nous. Et donc, ça fait à peu près 109 kilomètres. On est parti un matin à 8 heures, on est rentré le lendemain à 13 heures, donc on y a marché deux jours, deux nuits, avec des petites pauses sandwich, bien sûr. Mais c'était cette idée de pouvoir marcher sous les étoiles et sous le soleil et de faire comme ça un grand tour. Ouais, des aventures qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Alors, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, on pourra vous rétorquer ça. Il faut avoir le temps ou il faut accepter de le prendre parce qu'on le prend pour d'autres choses. On peut aussi le prendre sur quelques jours de congés, de vacances. C'est évidemment, je suis écrivain à temps plein, donc c'est plus facile pour moi de ménager quelques journées d'aventure. Mais je crois que dans tous les interstices de la vie quotidienne, même parisienne, on peut trouver ce temps-là. Plus tard, vous êtes parti, c'est un autre exemple de ces petites aventures avec une amie, faire un tour du bassin d'Arcachon. Oui, alors effectivement, c'est une amie qui, elle, pratique le paddle. Vous savez, cette planche sur laquelle on se tient debout et puis on pagaie. Et le bassin d'Arcachon, qui est près de Bordeaux, fait à peu près 85 kilomètres de tour. Et je lui ai dit, bah écoute, on va faire un tour amphibie du bassin d'Arcachon. Moi, je marcherai le long de la plage et toi, tu pagaierais à 3 mètres de distance. Et de cette façon-là, on fera tout le tour. Donc, on l'a fait, mais ça a été bien compliqué parce qu'on a rencontré, pour elle surtout, des mauvaises conditions. On a dû dormir dans une cabane de pêcheurs des affectés, on a dû repartir en pleine nuit. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses, mais malgré tout, ça a été une aventure formidable. Alors, puisque vous avez pris goût à ces aventures de poche qui sont chères à votre cœur, alors d'ailleurs, c'est amusant parce que depuis 3 ans, vous faites partie maintenant de la Société des explorateurs françaises. Alors, ce sont des explorateurs qui vont à l'autre bout du monde. Hein. Vous mettez aux aventures de poche au moment où vous êtes recruté. Vous êtes admis dans ce club des explorateurs français. Ben, je l'intègre très, très humblement, cette société, parce qu'effectivement, lorsque je me rends à des réunions ou à dîner, les gens qui sont à côté de moi ont traversé l'Amazonie en kayak ou à pied, ont vécu des aventures formidables, et puis moi, mon pédigré, bah, il est beaucoup plus court. Mmh. Mais en même temps, c'est intéressant, ça montre qu'il y a une évolution de l'aventure contemporaine, que bah, le monde, il a quand même été exploré depuis Amundsen en 1910, à peu près dans sa totalité. On peut aller dans le détail, on peut raffiner, on peut vivre des aventures, mais l'exploration, c'est quand même un peu fini. Donc, pourquoi ne pas voir près de chez soi, dans cet univers inconnu qui est aussi la ville, la grande ville, la métropole, ce qui peut être d'aventureux. Vous avez vraiment le sentiment que ces dernières décennies, c'est l'aventure qui a changé ou c'est vous, c'est votre regard sur l'aventure qui a changé? Non, je pense que c'est un mouvement qui dépasse de beaucoup ma propre personne. J'en suis pas l'initiateur d'ailleurs, il y a un Britannique qui s'appelle Alastair Humphreys, qui voici quelques années, alors lui c'est un aventurier avec la majuscule, hein, il a allé jusqu'au pôle Nord, il a fait tout un tas d'exploits, y compris physiques, et puis un jour il s'est dit, l'année qui vient, je vais rester en Grande-Bretagne, où il réside, et toutes mes aventures, je vais les vivre dans un rayon, comme ça, de 200-300 kilomètres. Donc, ça s'est passé de cette façon-là, et c'est un petit peu son exemple qui m'a inspiré mes propres pérégrinations. C'est vrai que cette idée que les terra incognita, les terres inconnues n'existent plus, on peut commencer à l'avoir en tête au milieu de nulle part. Ça, c'est une histoire que Mathieu Tordeur, jeune aventurier, qui est venu nous raconter son voyage, enfin son périple jusqu'au pôle sud, au tout début de l'été, à la première émission de l'été, il nous avait raconté que sur ses skis, au milieu de nulle part, en pleine Antarctique, en train de viser le pôle sud, eh bien, il croise deux voitures, deux 4x4 avec des Australiens à bord. Ça fait 36 jours que je n'ai parlé à personne, que je suis tout seul avec moi-même, hein, et là, il y a ces voitures qui arrivent en face de moi. Effectivement, c'était une expédition motorisée, menée par des Islandais qui revenaient du pôle sud. Et c'est vrai que c'est très curieux, parce que à la fois, moi, je suis hyper curieux, excité de rencontrer des gens au milieu de nulle part, comme vous le dites, mais d'un autre côté, je l'ai vécu après, j'ai eu la sensation qu'on avait un peu violé mon intimité, qu'on m'avait extrait de ma solitude sans que je le choisisse vraiment. Donc c'était assez curieux comme rencontre, mais c'est vrai que l'excitation prend totalement le dessus quand je vois ces voitures au milieu de nulle part, ça paraît complètement fou. Des Islandais, hein, pas des Australiens, des Islandais. Mais effectivement, pour un aventurier aujourd'hui, il est tout jeune, hein, Mathieu Tordeur, il a moins de 30 ans. Même quand il croit aller au bout du monde, être au milieu de nulle part, et il le dit, j'ai l'impression qu'on me vole un peu mon expédition, le fait de croiser encore du monde, là où il ne s'attendait pas à trouver déjà. Mike Horn raconte exactement la même chose dans son dernier livre. Il était lui aussi en Antarctique, et puis il tombe sur une sorte d'expédition touristique avec des dizaines de personnes. Lui était à ski, et puis lieu avait été déposé en motoneige. Effectivement, les aventuriers contemporains doivent se préparer à ce type de confrontation. Et c'est difficile parce qu'on rêve tous d'avoir un terrain vierge, mais aujourd'hui, la terre est peuplée, la terre est balisée. On peut aller sur Google Maps, n'importe quel endroit sur la planète. Donc, c'est difficile, les terrains incognita. Mais alors, puisque votre goût se porte de plus en plus pour ces aventures de poche, votre tour du monde entamé en 2010, qui est en Russie, la prochaine étape, ce sera de poursuivre en Russie. Vous allez le mener à son terme. Vous allez boucler la boucle. Je suis dans ces réflexions. Je me pose la question, est-ce que je continue? Si je continue, c'est très simple, j'ai fait le calcul, un calcul étourdissant, j'aurais terminé entre 76 et 82 ans. Ah, il faut avoir la forme. Mais vous avez dit que vous étiez en granit. Je suis en granit, mais le granit s'effrite, vous savez. Il y a l'entropie. Je ne sais pas si j'arriverai au bout. Et je ne sais même pas si j'ai envie sous cette forme-là. Je me dis parfois, bon, allez, on a traversé l'Europe politique à pied, c'est déjà pas mal. On va continuer à vélo, par exemple. On va faire un tour du monde hybride, pied-vélo. Ou alors, et c'est l'idée que j'examine en ce moment, je me dis, je vais ouvrir le projet et je vais en faire plutôt une chaîne de l'amitié pédestre tout autour de la Terre. C'est-à-dire, quiconque veut continuer son tour du monde, alors là, on s'est arrêté à la Place Rouge à Moscou, quelqu'un voudra peut-être faire les 20 kilomètres suivants, puis quelqu'un d'autre encore, les 10 kilomètres, à la fois des randonneurs russes ou d'autres de n'importe où, de façon à confier le projet à d'autres et être davantage dans la transmission, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'étais dans la transmission à mes enfants. Merci Olivier Blaise. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'art de la marche » chez Albin Michel. Et puis « Les aventures de poche » chez Hugo et compagnie. Je signale aussi votre roman « Nous les vivants » chez Albin Michel. Un grand merci à vous. Merci. Restez avec nous dans un instant. Sophie Vaux et Mathieu Aoued, deux héros de l'ombre qui œuvrent tous les étés à mes côtés pour préparer cette émission, vont passer une tête en studio pour conclure cette 7e saison. Daniel Fievé, vous êtes fatigué d'être sexy? Oh oui, ok, quelle question. Absolument terrassé, oui. Ça ressemble plus à un coq un peu, un coq enroué. Moi. Il manquait plus que celle-là, tiens. La salle est gigantesque, elle doit faire à peu près 200 mètres de long et 30-40 mètres de large. La taille d'un stade de foot. Ouais, de c'est foot, ça, on pourrait entrer un stade de foot à l'intérieur. C'était Kimono, Rodolphe Burger sur France Inter. Rodolphe Burger sur France Inter, le temps d'un bivouac. Une forme d'intelligence dans la radio. Daniel Fievé, vous êtes là? Oui. Le temps d'un bivouac. Ce sont tous les orgasmes imaginables. Physiques, esthétiques, océaniques, gastronomiques, littéraires. Là aussi, l'appel est trop irrésistible. L'addiction, inévitable. C'était Maxime Le Forestier dans le temps d'un... dans le temps d'un bivouac. Comme un arbre. Je suis un aventurier. Et j'ai beaucoup bourlingué. Alhamdoulilah. Nous étions jeunes et larges au dépôt, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions jeunes. appris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. C'était On the Road Again, Bernard Lavillier. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Et l'introduction, en façon bêtisier, était signée Clément Nouguier, le facétieux. Attention, attention, l'amiral vous parle. Le temps d'un bivouac. Comment est l'équipage ? De premier choix, capitaine. Tous des volontaires. Bon. Sur France Inter. Ok les gars, voilà le plan. En avant tout. M'ont rejoint en studio Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et les auditeurs connaissent vos noms, hein, je les donne régulièrement à la fin du sommaire. Vous êtes les attachés de production de l'émission, c'est comme ça qu'on dit. L'un et l'autre, vous avez commencé comme stagiaire, Mathieu en 2016, Sophie en 2017. Depuis, nous avons passé nos étés ensemble et j'y ai pris un vrai plaisir. Vous êtes devenus des piliers de cette émission. Sans vous, nos bivouacs n'auraient pas été les mêmes, n'auraient pas eu la même saveur. Alors c'est tout à fait normal que vous veniez conclure cette dernière en direct. Sophie, à toi l'honneur. Il y a 3 ans, j'embarquais dans le temps d'un bivouac sans vraiment savoir à quoi m'attendre. L'émission était une promesse de voyage, d'évasion. Elle n'a pas failli à sa promesse. Elle m'a portée dans les forêts d'Amazonie, au pôle Nord, sur les océans du monde. Mais au-delà de lieux paradisiaques, cette expérience m'a menée bien plus loin. Au fil des saisons, nous avons reçu des naturalistes, archéologues, écrivains, randonneurs, navigateurs. Chacun avec sa conception du voyage, mais tous étaient animés par la démesure d'un rêve et l'obstination des plus grands aventuriers. Charles-Hervé Grouillet, le marin devenu maraîcher, nous racontait il y a quelques semaines l'histoire de la pirogue de Poupoli. Poupoli, c'est un indien Wayana qu'il avait rencontré lors de son tour du monde en bateau et qu'il avait invité à une partie de pêche sur le tumultueux fleuve Litani en Guyane. En voyant les rapides au pied du fleuve, Charles-Hervé Grouillet s'est imaginé franchir les chutes du Niagara. Mais il a observé le jeune Indien qui, au lieu de se faire emporter par le courant, a remonté sa frêle embarcation dans les contre-courants engendrés par les rapides. Ça a été une leçon de vie pour Charles-Hervé, il écrira. Ce monde si puissant engendre des contre-courants. Si j'apprenais à les identifier, je n'aurais plus à lutter dans un combat perdu d'avance. En me positionnant à ma juste place, je deviendrais capable de tracer ma route selon mon cœur et mes rêves. Aller à contre-courant pour suivre son cœur. C'est quelque chose que j'ai souvent ressenti dans les récits de nos invités. C'est par exemple prendre le large quand la routine nous ancre à terre, s'émerveiller de la biodiversité alors qu'elle s'effondre, quitter le sentier balisé pour se perdre dans des chemins inconnus. C'est aussi relever des défis impossibles, comme Marilyn Martin, qui a recomposé le passé en érigeant le château de Guédelon comme un pied de nez à la modernité, ou encore Bernard Olivier, à qui on a dit qu'à 70 ans, la route était finie et qui en a tracé une nouvelle, plus belle, sur le chemin de la marche et du lien social. Le bivouac, pour moi, c'était tout ça. C'était suivre des passionnés dans leurs projets les plus fous, se faire emporter par la poésie d'une histoire, redessiner le monde. Alors je te dis un grand merci, Daniel, car c'était un plaisir d'embarquer dans ton rêve à toi, celui de mettre en onde tous ces récits inspirants. Et je remercie toute l'équipe pour cette traversée riche de péripéties et de beaux moments. Merci Sophie, les auditeurs prennent la mesure des pépites qui se cachent dans l'équipe du temps d'un bivouac. Mathieu, c'est à toi. Cela fait 4 ans, Daniel, qu'une fois le mois de juillet venu, le temps d'un été, je pose mes valises à France Inter et monte ma tente dans ton bivouac. J'ai rejoint ce drôle de campement sur un coup de chance, mais je ne suis pas resté par hasard. Le temps d'un très long bivouac, j'ai vu défiler à la place où je suis assis aujourd'hui des gens que j'admirais, des gens dont j'ignorais totalement l'existence avant de me rendre compte à quel point il était essentiel de les connaître. Des gens dont je ne me souviens plus du nom, mais dont les mots résonnent encore dans mon imaginaire et piquent toujours ma curiosité. Car s'il y a bien une chose que je retiendrai de cette aventure radiophonique et humaine, c'est qu'il existe, au creux de nos frontières et par-delà, les objets de mille et une fascinations. Les pieds sur un bureau, un livre dans une main, un écouteur dans une oreille, j'ai voyagé bien plus loin que tout ce que les compagnies aériennes auraient pu m'offrir. Et surtout, j'ai remonté le temps et suivi le sillage d'hommes et de femmes dont le simple nom évoque l'aventure. Moi j'avais envie d'être... Je dis toujours Vasco de Gama, en fait, c'est pas lui, c'est aussi bien Cook que Magellan. Ça devait être prodigieux tout de même. Des gens qui partaient chercher les Indes. Il y avait juste ce paquet de terre qu'on appelle l'Amérique entre les deux. C'est quand même prodigieux. Enfin, ces gens partaient... Ils étaient... Il y avait une folie, enfin... Véritable. Était-ce de l'orgueil? Il devait y avoir une part d'orgueil, une part d'inconscience, une part de volonté aussi, je sais pas. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça. Comme Jacques Brel, je rêvais étant petit de grandes épopées, d'un souffle épique qui gonflerait les voiles de mon bateau en direction d'une terra incognita. Mais devenir un homme aux semelles de vent ne s'improvise pas. Aussi, ces longues heures d'été, passées à me plonger dans la vie d'Anita Conti, de Claude Lévi-Strauss, à discerner les vérités et les légendes de Blaise Cendrars, à chercher la trace de George Mallory sur les cimes de l'Everest, sont devenues pour moi une aventure à part entière. Dans les couloirs vides de la maison de la radio, je suis devenu chercheur d'or au Klondike, en compagnie de Jack London. Accompagné de Gertrude Bell, j'ai traversé les grandes étendues arides d'Arabie, croisant sur mon passage un jeune homme, répondant au nom de Lawrence. Sans alcool, sans drogue, j'ai suivi la route pleine de poésie de Jack Kerouac. Avec un certain effroi, j'ai assisté aux dernières heures de Diane Fossé, au cœur des montagnes Virunga, au Rwanda. Toutes ces histoires, je les ai étudiées, et j'ai essayé autant que possible de les vivre, et de les faire vivre. Une certitude est alors née. L'aventure ne se suffit pas à elle-même. Ce bivouac a accueilli des centaines d'invités, venus nous parler d'une centaine d'explorations différentes. Pourtant, toutes se sont trouvées un point commun, une fois le micro ouvert. Elles ont été partagées. Le temps d'une onde radio, nous sommes des milliers à nous être émerveillés sur les mêmes récits. Alors merci. Merci Daniel d'avoir été un passeur d'histoire, et merci d'avoir mis à la portée de tous les aventures de quelques-uns. Chacun a son démon, j'avais le démon du voyage. J'avais le démon du voyage. En réalité, c'était vraiment chouette de voyager, se tremper dans un million de lieux différents, boire des pays qu'on boit des cocktails, n'est-ce pas? Et puis faire surtout pas mal de mixtures. C'était la voix de Blaise Cendrars, c'est avec ça qu'on termine, exactement. C'est ça Mathieu. Merci à tous les deux, j'ai découvert vos textes à l'antenne, ils sont très touchants. C'était une chance pour moi de vous avoir à mes côtés pendant tous ces étés. Merci à tous les deux, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Demain, l'album de souvenirs du temps d'un bivouac s'ouvrira à la page animaux. Nous nous intéresserons aux animaux mythiques qui ont fait voyager les explorateurs, qui les ont cherchés en vain, et aux animaux bien réels auxquels les humains ont fait entreprendre de grands voyages alors qu'ils n'avaient rien demandé. À demain donc pour nos dernières aventures. Et j'aurai aussi un rendez-vous à vous donner pour la rentrée demain.